M'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mère des ondes mauvaises avec les bonnes de leur avant d'agir, sans de la grandeur, peine abandonne. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mère des ondes mauvaises avec les bonnes de leur avant d'agir, sans de la grandeur, peine abandonne. Lueur de ma vie, mon enfant, toi par qui mon âme s'approfondit, se développe et grandit, sachant quelle mauvaise terre le monde peut te présenter. Je voudrais tant te protéger de tous mes suivis voués à échouer. Chaque jour je nais, entre un premier cri et un dernier souffle. Chaque jour je crée de la lumière pour ne pas qu'on souffre. Et même si la terre mère permet d'aimer les pères mêmes bornés, du mauvais côté certains se font berner. Des jouets, je vois en eux les symboles de ton innocence. Étant à la voix de création, par quoi se font les richesses de ton être dans l'insouciance. Une joie simple, sans besoin de mettre de mots sur cet état sans voix. Dans un futur donnant du sens à l'humain, je t'rassure en cette tête dure afin que tes pas soient sûrs. Je vois la force et le feu dans tes yeux, dans ton sourire, qui désamorceront tous ceux qui voudront te faire souffrir. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mère des ondes mauvaises avec les bonnes de leur avant d'agir, sans de la grandeur, peine abandonne. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mère des ondes mauvaises avec les bonnes de leur avant d'agir, sans de la grandeur, peine abandonne. Pour parler de toi souvent, les mots manquent et pourtant je pourrais facilement en faire des romans, écrire des passages de rire, des moments de partage, tout en gommant tes passages de passage. Mais comment grandir en te protégeant du pire, que dire de ce monde fou et fuir ses délires. D'ailleurs, garde toujours au fond de ton cœur un sourire afin de rendre la terre meilleure. Et même si c'est dur, que l'univers est riche des murs, écoute ce qu'il murmure du palpitant jusqu'au fémur. Pour sûr, tombe l'armure, laisse l'amour t'envahir, ouvrir ton âme, accueillir plutôt qu'à haïr. J'apprends tant à tes côtés, à te contempler, à t'écouter, la beauté renouvelée de l'innocence oubliée. Pour sûr, tombe l'armure, laisse l'amour t'envahir, nourrir ton âme, accueillir plutôt qu'à haïr. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mère des ondes mauvaises avec les bonnes de leur avant d'agir, sans de la grandeur, peine abandonne. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mère des ondes mauvaises avec les bonnes de leur avant d'agir, sans de la grandeur, peine abandonne. Le monde va si vite, ne se préoccupe que de profit, rien qui facilite l'épanouissement de la vie, de l'âme. Mais les épreuves peuvent être perçues autrement que comme des mots. La preuve, elle nous appelle au dépassement de soi, et sont par là des opportunités, à condition de se refuser à céder à la facilité. Passion de surmonter nos propres forces d'inertie, se tenir debout et s'élever tel un albatros, décidant pas du tout des courants, reportant mais s'en servant adroitement, et devenant enfant du vent de l'horizon, reconquérant. Que ta raison ne soit pas errante, ta valeur humaine d'une rente ne peut dépendre. Pente glissante de celle de qui ne tente pas de se prendre en main à chaque instant, et d'essayer de proposer de l'humain une version éthique élevée. Oh cher, cher de ma chair, cher, par discipline à marcher d'un pas alerte vers la grandeur, et ton chemin décide. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mère des ondes mauvaises avec les bonnes de leur avant d'agir, sans de la grandeur, peine abandonne. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mère des ondes mauvaises avec les bonnes de leur avant d'agir, sans de la grandeur, peine abandonne. Des différences à tous les censeurs du magic, les censures. Je renvoie pas l'ascenseur sans rancœur, éclate la fin sur. Que dire d'autre, ses yeux verts, ses yeux verts. Qu'il soit béni des yeux verts, des yeux verts. L'amour fou d'un vieux père, un vieux père. La lueur d'un guide, un repère. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mêle des hommes mauvais avec les bonnes de leur avant d'agir sans de la grandeur, un abandonne. Je m'émerveille à ce spectacle sans pareil, une splendeur originelle en quête de son potentiel. Mais le monde mêle des hommes mauvais avec les bonnes de leur avant d'agir sans de la grandeur, un abandonne.